Portrait d'artiste sur Fadjet, l'émission qui présente un artiste local des arts visuels, animé par Romain Marie. Bienvenue dans l'émission Portrait d'artiste sur Radio Fadjet 94.2 FM. Aujourd'hui, nous sommes reçus dans l'atelier de Pierre Véry, qui est ébéniste d'art. Bonjour Pierre. Bonjour Romain. Comment ça va aujourd'hui ? Oh, très bien, très bien. Ouais, une belle journée du mois d'avril encore. Bien ensoleillé. Bien ensoleillé. Alors Pierre, tu es ébéniste, tu as quel âge Pierre ? J'ai 31 ans, 32 ans en décembre. D'accord. Alors aujourd'hui, on rencontre Pierre un petit peu dans la continuité de l'interview précédente qui était avec Alain Claude, qui était également ébéniste d'art. Donc toi, tu as une grande dimension créative, mais avant de parler de ta dimension artistique, dis-nous un petit peu comment tu es arrivé à ce métier, Pierre. Alors moi, je suis arrivé un peu par hasard dans le métier du bois, parce qu'au début, j'étais en lycée, en bac général. Voilà, ensuite, je suis allé à Paris faire une école d'ingénieur où j'ai fait un an de prépa. J'ai vu que c'était pas mon domaine, du coup j'ai décidé d'arrêter. Ensuite je suis allé en IUT génie mécanique, pareil c'était pas mon domaine, du coup j'ai décidé d'arrêter. Ensuite je me suis dit pourquoi pas un métier manuel, parce qu'on m'en a jamais parlé. Et j'ai toujours aimé le bois et quand j'étais jeune je bricolais avec mon père, du coup je me suis dit pourquoi pas le bois. J'ai fait quelques stages au début à la Croisée Découverte à Rayon. J'ai vu que ça m'a plu. Et ensuite, je me suis lancé chez les Compagnons du Devoir. Du coup, dans un CAP menuisier. Et ensuite, j'ai fait le Tour de France pendant 4 ans. Et ensuite, j'ai décidé d'arrêter chez les Compagnons du Devoir pour me lancer chez les Compagnons des Valserres. Pour me spécialiser en restauration et conservation de mobilier d'art, voilà, en ébénisterie. D'accord. Alors, pour resituer, on est avec Pierre aux ateliers Véry qui se trouvent à Masrulle et qui sont les anciens ateliers Valserres, justement. C'est ça. Donc si je comprends bien, tu avais commencé plutôt vers des études d'ingénierie mécanique. Dans l'aéronautique et l'aérospatiale. Dans l'aéronautique et l'aérospatiale, mais c'était pas du tout mon truc. C'était pas du tout ta voie. Voilà. Et alors qu'en fait, tu travaillais déjà le bois plutôt dans ta jeunesse. Je bricolais avec mon père dans le garage des planches de bois, voilà, pour m'amuser. Et ça t'aimais bien. Ça j'aimais bien. Donc du coup, t'as fait du compagnonnage. C'est ça. Les Compagnons de France. C'est ça. Alors, c'est quoi comme organisation, ça, les Compagnons de France ? Alors, c'est l'association des Compagnons du Devoir et du Tour de France. C'est une association où il y a plusieurs corps de métier. Et par exemple, chez les menuisiers, on avait une ville d'été et une ville d'hiver. Et on change de ville tous les 6 mois. Du coup, on découvre beaucoup d'entreprises, beaucoup de gens. Du coup, un carnet d'adresses, des amis qu'on se fait sur le Tour de France. C'est vraiment une super expérience et une super école. Et après, compagnon, c'est 10 ans. Moi, j'ai fait 4 ans. 4 ans de compagnonnage, quoi. Voilà, mais ouais. Pour être compagnon, c'est 10 ans. Du coup, je suis pas compagnon, mais j'ai fait une belle école qui m'a appris le savoir-faire et puis la rigueur dans le métier. Et puis. Et là, t'es devenu ébéniste. Et après, je suis parti du coup des compagnons en menuiserie pour devenir ébéniste. Et en spécialisation restauration de mobilier d'art. D'accord, donc en fait le compagnonnage c'était de la menuiserie. C'est ça. Et après tu as choisi de te spécialiser. Donc tu avais quel âge quand tu as fait le compagnonnage ? J'avais 21 ans. 21 ans, d'accord. Voilà, j'ai commencé à 21 ans, ce qui est un peu tard. Mais voilà. Bah, ça a été. Donc quand tu as fini, tu avais 25 ans. C'est ça, un peu moins, parce que j'étais de fin d'année, du coup, j'avais 24 ans quand j'ai arrêté les compagnons. D'accord, des belles régions, des belles rencontres. C'est ça, j'ai commencé par Saint-Tropez, Cogolin exactement, c'est juste à côté, mais les gens situent mieux Saint-Tropez, où j'ai fait un an là-bas. Ensuite, on m'a envoyé à Toulouse, ensuite j'ai fait Castres. Ensuite, j'ai fait Reims et ensuite, j'ai fait Nancy. Mmh, d'accord. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a tiré alors vers la menuiserie, le bois, l'ébénisterie? Donc, on a compris que les études d'aéronautique, ça te convenait pas. Et pourquoi ce retour aux sources, finalement? Au final, j'aimais bien quand même toucher la matière. J'ai toujours été un peu manuel, en art plastique. J'ai toujours aimé toucher et faire de mes mains. Et je trouvais que le bois... c'était quand même une matière noble et qu'on pouvait partir d'un plateau de bois et le transformer en meuble, et je trouvais ça génial. Mmh. Voilà. D'accord. Après, c'est surtout la matière qui nous choisit et c'est pas nous qui choisissons la matière. Tu trouves que c'est la matière qui nous choisit? Ça a été le bois, t'as... J'ai fait le métal, j'ai fait le bois et c'était le bois. C'était le bois qui te convenait. C'est le bois qui m'a choisi. Mmh. D'accord. Voilà. Alors là, dernièrement, tu participais aux Journées européennes des métiers d'art. Hein, parce que, est-ce que tu peux nous dire un mot sur ce que tu fais au cours de cet événement? Alors, lors des Journées européennes des métiers d'art, voilà, là ça fait 4 ans, du coup 4 ans que j'ai l'entreprise. Du coup, tous les ans, j'ouvre mon atelier, j'organise voilà, à l'occasion des Journées européennes des métiers d'art, du coup les GEMA, les portes ouvertes de mon atelier. Et cette année, à cette édition, il y avait mon atelier qui était ouvert, l'atelier d'un ami qui est au sous-sol de mon bâtiment, qui est chaudronnier, qui a ouvert son atelier aussi. Mmh. On a invité une vitrailliste, et ensuite on a invité aussi 5 autres artistes pour exposer et pour montrer leurs œuvres. Et puis, donc là, c'est une journée en fait qui offre un petit peu la découverte de ton atelier pour ceux qui ne le connaissent pas, en créant un événement aussi artistique, puisque des artistes aussi profitent de ton atelier pour présenter leur création, quoi. C'est ça. D'accord. C'est ça. Je mets à disposition ma pièce, mon showroom, voilà, à des artistes que je connais ou que je ne connais pas, parce qu'il y en a que je ne connaissais pas et ils sont venus grâce au réseau de mes autres artistes, et pour exposer et puis pour montrer leurs œuvres et puis leur art dans leur domaine. Oui, oui, d'accord. C'est vrai que ton activité, ton métier, c'est très en lien quand même aussi avec les arts visuels, parce que tu m'expliquais tout à l'heure, pour créer des meubles, faut d'abord les dessiner. Donc il y a quand même du dessin, si je comprends bien. Oui, il y a bien. Toute une phase de recherche. Déjà de recherche design artistique, on fait des croquis au début en disant pourquoi pas ces lignes, voilà. Et puis ensuite, une fois qu'on a trouvé les bonnes lignes, les bonnes mesures hors tout, et bien, on commence à faire le dessin. Personnellement, je fais dessin papier parce que j'aime bien les anciennes techniques et je trouve que ça a plus une âme que sur l'ordinateur. Et on commence à dessiner les dessins techniques jusqu'à la réalisation du projet. D'accord, parce qu'après, il va falloir effectivement, au-delà de l'ébauche, il va falloir, j'imagine, peaufiner, matérialiser en quelque sorte, même déjà au niveau du dessin, qu'est-ce que va être la fabrication future. C'est ça, il y aura tout ce qui est analyse de fabrication, quelles étapes il faut faire en premier pour tel assemblage ou tel assemblage. Parce que quand on commence à voir soit du courbe ou soit du gainé, il faut pas faire le gainé ou le courbe tout de suite avant tel ou tel assemblage, parce que sinon on va plus avoir nos surfaces de référence. C'est toute une gymnastique. Alors le courbe et le gainé, tu deviens déjà un petit peu dans du langage technique. Oui. Gainé, donc on comprend courbe. Voilà, c'est les courbes sur un meuble, et le gainé, c'est avoir une partie plus fine et une partie plus épaisse à un endroit, par exemple sur un pied. On a une partie fine au bout du pied, celui qui repose au sol, et une partie plus large vers la table, le plateau de la table, par exemple. Voilà. D'accord. Très bien, on arrive à la fin de cette première partie. On va retrouver tout de suite, après cette première pause musicale, Pierre, qui va nous parler davantage de sa dimension créative, artistique. Voilà, tout de suite après cette première pause musicale. Portrait d'artiste sur Fadjet, l'émission qui présente un artiste local des arts visuels, animé par Romain Marie. De retour dans l'émission Portrait d'artiste, toujours avec Pierre Véry, avec son atelier à Mazerul, les ateliers d'art Pierre Véry. Donc Pierre, si tu veux bien, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton processus créatif, comment tu t'y prends pour créer tes œuvres, ton mobilier, comment ça se passe, quelles sont les étapes? Alors pour créer mon mobilier design, on va dire, parce que je crée des œuvres design avec des lignes un peu épurées, et bon, moi j'ai toujours aimé dessiner des lignes un peu sur des feuilles blanches, etc. Et puis à force de... Donc tu étais déjà dessinateur, t'avais... Oui, bon, je me considère pas comme dessinateur, mais je gribouille sur des feuilles, et puis j'ai toujours aimé en fait les lignes épurées, les pentes douces, et c'est un peu ma marque de fabrique. J'essaye de vraiment suivre toutes ces lignes que je griffouille sur mes feuilles, mmh. Et à force de c'est souvent le... Je sais pas si on peut parler du subconscient, mais qui me guide et qui me dit vas-y, pourquoi pas faire une console avec vraiment des lignes épurées, avec des petites pentes douces, où on a l'impression que c'est vraiment fin, mais au final c'est quand même un plateau massif, comme ce que j'ai fait pour ma table de salle à manger, où quand on arrive de loin on voit que l'épaisseur est fine, mais on est sur des pentes vraiment très légères et qui nous amènent à un plateau de quand même 4 cm. Voilà, mais de loin on a l'impression d'avoir... C'est quel bois qui est sur ta... Là on est sur du tulipier massif. Tulipier massif. Donc si je comprends bien, tu griffonnes comme ça sur ta feuille, puis à un moment donné, le griffonnage, tu vois une forme jaillir en quelque sorte, avec les pentes, etc. Puis à un moment donné, tu te dis, tiens, ça pourrait être un meuble. C'est ça, je fais un peu comme ça. Après je fais aussi beaucoup en fonction du bois. Là je suis sur un projet... Alors, je fais des lignes toujours, des pentes, mais je suis sur un projet pour embellir des poutres de bois exotique que j'ai à l'atelier, et j'aime mettre en valeur le bois sans le teinter. J'aime bien, dans mes créations en fait, j'aime bien, si on veut une couleur, telle ou telle couleur, ne pas teinter le bois et prendre, si je veux une table verte, je vais prendre du tulipier, si je veux une table rouge, je vais prendre du padouk. Bon, c'est des essences quand même plus chères, mais j'essaye dans l'absolu de ne pas teinter mes bois et d'utiliser tel ou tel bois pour avoir telle ou telle couleur. Mmh. Par exemple, sur des miroirs orange, j'utilise du merisé. J'essaye d'embellir le bois qu'on a et que j'ai en stock, parce que l'atelier, il a quand même 147 ans. Et du coup, j'ai des gros stocks de bois massif, de plaquage, et je pense que c'est important d'embellir ces stocks-là avant d'aller en acheter à droite et à gauche. Mmh. Oui, j'ai vu, tu as pas mal de plaquage. Ça, c'est utilisé pour la marqueterie éventuellement, ou c'est ça, ou même pour la création de mobilier d'art. Alors en fait, le plaquage, on l'utilise pourquoi? Parce que le plaquage, c'est des feuilles... C'est des feuilles de bois, alors les plus épais c'est 2 mm, hein, on appelle ça du plaquage scié, c'est le plaquage qu'il y avait à l'époque, jusqu'à 0,3 mm pour les plaquages modernes. Et en fait, pourquoi on utilise le plaquage? C'est par exemple pour, si on veut une table en ébène de macassar, ça va quand même, pour une question financière, ça va être moins cher de plaquer une feuille de bois, du coup du plaquage d'ébène de macassar, que d'avoir de l'ébène de macassar massif. Et puis au niveau du poids, pareil, ça commence à causer quoi. Ça. D'accord, c'est un matériau qui est cher. C'est dans des bois très précieux, c'est comme l'ébène noire, c'est des choses vraiment. Donc tu travailles des bois précieux aussi. Et donc la particularité, hein, par rapport aux peintres, aux graphiques plus traditionnels, plus contemporains, on va dire, c'est que toi, en fait, tes couleurs, tu les choisis plutôt dans les essences de bois. C'est, tu cherches la couleur naturelle du matériau, finalement. C'est ça. Mmh. Pour moi, j'appelle ça l'œuvre de l'arbre. L'œuvre de l'arbre. C'est intéressant. L'œuvre de la nature. Parce que c'est la nature qui dessine tel ou tel veinage sur mes plaquages. Moi, je sélectionne juste ce que la nature a fait de plus beau, quoi. Et est-ce que tu pour sens... le mettre en valeur. Est-ce que tu sens un rapport particulier à la texture du bois? C'est-à-dire, puisque il y a différents bois, est-ce que quand tu l'as en main, le bois, ça t'évoque différentes choses selon la nature du bois ou... Selon l'essence, souvent, on a des bois qui sont quand même... au toucher, ça va être surtout plus dense ou plus lisse. Sur des bois exotiques comme le Saint-Martin rouge, brut, c'est déjà très lisse de base. Par rapport à du pin brut d'autres bois, il y a des essences qui sont quand même beaucoup plus lisses que d'autres et aussi beaucoup plus lourdes. D'accord. Voilà. On sent le bois, on le touche, chaque essence a son... Sa propre nature, c'est ça. D'accord. Et alors, donc tu crées des meubles, donc t'es un créatif en même temps qui formalise ses créations par des objets matériels. Qu'est-ce que tu réalises comme différents objets? Alors, je réalise beaucoup de mobilier de intérieur, on va dire. J'ai réalisé une table de salle à manger en tulipier massif, avec un piétement Mikado en métal fait par mon ami qui est chaudronnier au sous-sol. Dorian Touzeau, qui travaille avec toi, qui est présent à l'atelier. C'est ça, on fait des réalisations industrielles épurées. On a réalisé une console en chaîne massif brossée, avec pareil toujours ces petites pentes douces pour alléger les plateaux massifs. Je crée également des petites tables gigognes, mais là par contre en plaquage, c'est-à-dire que j'ai fait une paire de tables gigognes, une en plaquage zébrano avec le champ érable moucheté ondée, et une autre, le dessus du plateau en érable ondé moucheté et le champ en zébrano. Voilà, comme ça, ça fait des paires. C'est ce que tu proposes dans tes ateliers. Là, j'ai vu que tu proposais des ateliers c'est combien de jours les ateliers? Alors, je propose aussi des ateliers le samedi où on vient faire une pièce et le soir vous repartez avec. Voilà. D'accord. Pour le moment, il y a miroir, réaliser son miroir soi-même, réaliser sa petite table gigogne soi-même. Et après, si vous avez d'autres d'autres propositions, je suis en train de travailler sur des couverts à saladier. Oui, j'étais sûr que tu faisais des couverts à saladier, tout à fait. Il y a un monsieur, on m'a demandé un pétrin à pain. Du coup, le monsieur est venu une semaine. J'ai étudié le projet, le monsieur est venu une semaine, et au bout d'une semaine, il est reparti avec son pétrin à pain. Tout est possible. Et, Donc, toi, tu es en mesure de créer à peu près tout objet que l'on souhaite. On peut le soumettre à ta demande. Tu sauras le créer avec des matériaux bois. Bois et puis autres, parce que je travaille aussi un peu le cuir, le laiton, le marbre. Voilà, parce qu'en restauration de mobilier d'art, de toute façon, il faut toucher un peu tous les matériaux. Mais du coup, j'essaye de mettre ça aussi dans mes créations. Et puis... Les savoir-faire que tu utilises dans tes créations, c'est des savoir-faire... ancestraux, ça date de quelle époque? À l'heure où on vit à l'intelligence artificielle, toi, tes savoir-faire, ils datent de quand? Alors, mes savoir-faire, ils datent d'une autre époque, ça c'est sûr, parce que dans mes créations, j'essaye quand même d'utiliser des produits d'antan, comme les cols animales, qui sont des cols réversibles, comme la colle de poisson, la colle de nerf et la colle d'os de bœuf, la colle de peau de lapin. Parce que j'ai envie que mes créations, elles soient durables et restaurables. C'est-à-dire que si un morceau de plaquage qui va sauter à un endroit, on pourra le restaurer selon les méthodes traditionnelles. Et c'est d'allier cet ancien avec le moderne pour faire des belles créations et surtout durables. Donc tu m'as parlé de colle de... De poisson. De poisson. Voilà, c'est une colle à froid qui est composée d'écailles et d'arêtes de poisson. Et c'est une colle réversible. C'est-à-dire que le prochain restaurateur, s'il veut restaurer ma création ou un meuble, en général un meuble ancien, il va venir diluer cette colle. Il saura l'enlever. C'est ça, diluer à l'eau chaude ou à l'eau simple, ça va plus vite à l'eau chaude. Diluer cette colle, soulever le plaquage, restaurer par exemple ce qui a été abîmé en dessous et recoller le même plaquage. Parce que si on vient arracher le plaquage et en remettre un autre, on va dénaturer... au décor du meuble, on va changer le veinage et ça va plus être le même meuble. D'accord, t'es vraiment un passionné, hein, effectivement. Ouais, oui, c'est vraiment je pourrais parler pendant très, des très heures. Très spécifique, d'accord. Où est-ce que donc tu te situes à Mazerulles? Donc ici, on est au 13-15 rue de Château-Salins, c'est ça. Donc, Masrul, on est quoi? On a 20 minutes de Nancy? 30 minutes du centre de Nancy. 20-30 minutes du centre de Nancy, derrière Chantenon un petit peu. C'est ça. Voilà, tu as un grand atelier. Tu as combien de mètres carrés ici? Alors, le bâtiment fait 600 mètres carrés. Moi, mon atelier fait 150 mètres carrés au premier étage. Mmh. Et puis après, on a différentes pièces. Bon, le showroom qui doit faire 120 mètres carrés. J'ai un ami qui va venir s'installer prochainement aussi, qui va s'installer dans les locaux. Mmh. Et on a peut-être aussi d'autres projets avec une tapissière et puis un autre ébéniste qui fait de la création de s'installer dans ces locaux et comme ça faire comme un centre commercial d'artisans d'art. Mmh. Comme ça, il y a une adresse pour plusieurs compétences et toujours avoir un showroom qui est à disposition de tous les artisans d'art et même d'autres artistes qui puissent exposer leurs œuvres. D'accord, donc là, ce que tu proposes, ce dont tu parles, c'est éventuellement un partage de tes ateliers à d'autres artisans d'art. Donc ça, c'est quelque chose qui est ouvert, tu recherches, on peut te contacter à ce sujet-là? Alors à ce sujet-là, je pense qu'on va bientôt être plein, qu'il n'y aura plus de place, ouais. Mais à terme, j'aimerais bien peut-être faire, pas un lieu dit, mais faire, voilà, peut-être même monter une association pour proposer d'autres événements que les GEMA, faire plusieurs dates pendant toute l'année, où je pourrais inviter d'autres artistes, que ce soit un groupe de rock qui fait la musique pendant tout le week-end, avec des tableaux, des œuvres d'art, faire un peu comme les GEMA, ce que j'ai fait cette année, mais voilà, faire plusieurs dates pour faire vivre aussi le village, la commune, et voilà, accueillir du monde et montrer notre savoir-faire et le savoir-faire des autres. La commune, elle intervient dans tes activités, la commune de Masrul? Elle est intervenue. Après, voilà, il faut que c'est là. C'est une idée qui est vraiment toute nouvelle depuis les GEMA. On en discute pas mal avec les copains artistes. Et voilà, c'est quelque chose qui va se mettre en place et on espère que ça aboutira sur quelque chose de beau et de sympa. D'accord. Et j'ai vu aussi qu'il y avait des stagiaires dans tes ateliers, des gens à qui tu apprends ton art. C'est ça. Alors, je fais aussi également de la formation au métier de restaurateur de mobilier d'art, voilà, de la formation soit longue durée, qui peut durer un an, deux ans, trois ans, ou de la formation courte durée, c'est-à-dire si vous avez un projet, vous voulez connaître les bases de l'ébénisterie ou de la menuiserie, moi je suis tout à fait capable de former des gens, j'en ai déjà formé une bonne dizaine, je pense, en quatre ans, et je fais aussi de la location d'espace de travail. Du coup, c'est pareil, j'ai une dame qui venait pendant... C'était une demande particulière et après, j'ai continué à le faire. Une dame qui venait deux fois par mois avec ses meubles. Elle les restaurait et puis je lui donnais une heure d'accompagnement par jour. Voilà. Et du coup, elle avait son établi pour venir restaurer ses meubles. D'accord, formidable. Voilà. Où est-ce qu'on peut te trouver? Est-ce qu'on te trouve sur les réseaux sociaux ou comment te contacter? Alors, on peut me contacter sur Instagram en tapant Atelier d'Art Véry. Véry, Véry, c'est V-E-R-Y, comme en anglais. Very good. Voilà. Et sur Internet, j'ai un site, pareil, vous tapez Atelier d'Art Véry Nancy et vous trouverez mon site, tout simplement. Page sur Facebook. Et une page sur Facebook, ça sera pareil, ça sera Atelier d'Art Véry, successeur des ateliers d'art Valzer. D'accord, voilà. Super. Eh bien, merci infiniment pour ton accueil, Pierre. Je te remercie, Romain, d'être venu. Avec plaisir, à bientôt. À bientôt.